Samedi 15 décembre, 20h. Ne manquez pas le grand retour de Maximar de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGR Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8$. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! C'est la chronique de la Ligue nationale de football avec notre ami du site internet NFL, le Blitz NFL, Tony Guzzo. Salut Tony! Salut Danny. Tony, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier. C'était le meilleur match de la fin de semaine. Et habituellement, le match du jeudi soir, c'est jamais un match intéressant. Mais il faut dire que les attentes, le match hier a rempli toutes les attentes. Tout à fait, Danny. Puis je vais être honnête avec toi. Avant le match, tu sais, on chiale beaucoup comme quoi les matchs du jeudi soir sont pas intéressants. Ouais. Mais rendu à la semaine, là, on est rendu à la semaine 15 hier. Beaucoup disaient que c'était peut-être pas le moment d'avoir un gros match de même un jeudi soir à cause d'une petite semaine de préparation. Ouais. Puis un exemple comme les Chargers, leur porteur de ballon, Melvin Gordon, là, il est blessé. Ils ont décidé de pas le faire jouer, mais s'il jouait dimanche, il aurait peut-être joué. Donc, okay. Il y a un débat là-dessus. Bon, ben un gros match comme ça, peut-être que les gens de la NFL vont falloir revoir le calendrier dans le sens que, oui, on peut avoir des gros matchs le jeudi soir avant, au début de saison, des bons matchs, mais à la fin, là, surtout avec plein de bobos, des blessures. Moi, j'avais des doutes, mais finalement, ça a été un gros match jeudi soir. Et mine de rien, les Chargers ont remporté deux grosses victoires au cours des dernières semaines à l'étranger, une contre les Steelers et l'autre contre les... hier, les Chiefs. Ouais. Fait que, donc, ça donne deux grosses victoires, là. Deux très grosses victoires, puis en tout cas, moi, les Chargers, je vais être honnête, là, je suis pas un grand fan ni de Philip Rivers, mais hier, j'écoutais autant le coach puis Rivers à la fin du match, après le match, de leur conférence de presse. Il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là, dans le sens que sont unis, sont très sérieux. Philip Rivers, à la fin, là, comme tout le monde sait, les Chargers sont revenus de l'arrière de 14 points, puis au dernier jeu du match, ils ont fait le toucher et à place d'aller pour un point d'après botté pour annuler puis aller en prolongation, ils ont décidé pour aller pour deux points puis ils ont réussi. Il semblerait que Rivers n'était pas prêt, il s'en allait sa ligne de côté pour le botté. Le coach a dit retourne sur le terrain puis on y va pour le deux points. Mm. Donc les Chargers là, je les vois pas souvent à télé, mais hier en les regardant, oui c'est le fun. J'ai encore des doutes sur Rivers. Parce que il a commencé le match avec une interception, une affaire comme ça, là. Fait que Rivers, mais il est dedans, il est un peu excité, là, à mon goût. Il va faire peut-être des petites erreurs de crampes de cerveau, là, comme on dit, mais c'est une grosse équipe, mais faut donner ça à leur attaque et leur défensive, sont dans les top 10, les deux. Ouais. Donc ça, c'est une recette gagnante pour aller loin aux éliminatoires. Mais j'ai hâte de voir, évidemment, parce que là, le calendrier est quand même intéressant, parce que tu regardes du côté des Chargers, il reste deux matchs. Il reste un match à domicile, un match à l'étranger. Il y a un match contre la semaine prochaine contre les Ravens un samedi soir. Les Ravens, ils jouent du bon football, malgré que la semaine passée, eux qui sont en pleine course également. Depuis que Lamar Jackson a pris la place à Joe Flacco, c'est la même équipe. Et également, ils vont jouer dans la dernière semaine à Denver contre les Broncos. Tandis que les Chiefs, ce sera la semaine prochaine contre Seattle, qui eux également jouent du bon football, et la dernière semaine contre les Raiders. Donc, ça risque, je regarde ça, là, ça risque d'être 2-0 pour les Chiefs. Quoique les Broncos jouent bien aussi. 2-0 pour les Chargers, oui. Et compatiblement 1 pour les Seahawks. Donc, les Chargers sont quand même en bonne position. Là. Faut pas oublier, ouais, mais qu'est-ce qui va faire mal aux Chargers, c'est qu'en début de saison, ils ont perdu contre les Broncos, hein? Oui. Chez eux, puis là, ils finissent contre les... Mais si Seahawks gagnent un autre... Si gagnent les deux autres matchs, puis les Chiefs en perdent une, c'est les Chargers qui passent? Oui. Bon. Oui. Moi, oui. Puis pour les gens, c'est ça, pour les gens qui comprennent peut-être pas le bris d'égalité là, ouais. En ce moment. Ce matin, on en parle beaucoup là, parce que les deux ont une fiche de 11-3, mais les Chiefs sont en premier. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est lorsqu'il y a un bris d'égalité pour la première place de division, ils regardent la fiche entre les deux équipes. Okay. Là, ils ont une fiche de 1-1. Après ça, on regarde la fiche de à l'intérieur de la division. Là, en ce moment, les Chiefs ont une fiche de 4-1 et les Chargers ont une fiche de 3-2. Puis il reste un match de division pour les Chargers, puis un match pour les Chiefs contre les Raiders, ils devraient l'emporter. Ouais. Fait que les Chiefs sont bien positionnés pour gagner la division. Et le troisième point de bris d'égalité, c'est pas la fiche dans la conférence parce qu'on joue pas tous les mêmes matchs, là, mais c'est les adversaires communs. Okay. Puis chaque équipe, des fois, ils jouent contre l'autre conférence. Donc, on va voir les fiches où ce qu'ils ont les adversaires communs. Puis c'est là que ça va déterminer. Mais comme les Chiefs, à moins vraiment... ça va être serré contre les Seahawks, ça va être à Seattle, ouais. Mais contre les Raiders, ils devraient le gagner. Puis les Chargers aussi, ça va être une bonne fin de lutte, mais au bris d'égalité, les Chargers vont regretter d'avoir perdu contre les Broncos en début de saison chez eux. On va y aller maintenant avec... écoute, je veux te parler des Steelers de Pittsburgh. Les Steelers, écoute, ils vont-tu l'échapper? Ça s'enligne pour ça, hein, Danny? Ouais, regarde, parce que là, les Ravens jouent bien. Les Steelers, oui. Écoute, ça va se jouer en fin de semaine parce que la semaine prochaine, les Steelers sont en Nouvelle-Orléans. Contre les Saints. La dernière semaine, j'ai pas vérifié, mais on va te dire en affaire. Contre les Bengals. Donc, c'est pas. On va te dire en affaire, ça, c'est pas très positif ce qui s'enligne à Pittsburgh. Puis même pas fait les séries, là, ça peut même arriver. Hein. Tout à fait. Puis la défaite. Comparé aux Patriots, leur défaite, leur défaite contre les Dolphins la semaine passée, mais les Steelers allaient perdre contre Oakland, là, ça va faire vraiment mal parce que là, les Steelers vont jouer, c'est ça, comme tu as dit, les Patriots en fin de semaine, qui va être un match très important, les Saints à Nouvelle-Orléans, puis ils finissent contre les Bengals, puis si on regarde les Ravens, ils vont jouer contre Tampa Bay à fin de semaine, à Los Angeles la avec semaine prochaine, ouais. Ils finissent contre les Browns de Cleveland. Okay. Donc, c'est sûr, les Steelers, là, vraiment, sont à bord de perdre leur division. Puis, s'ils perdent leur division, dépendamment qu'est-ce que Miami puis Indianapolis vont faire, pas sûr que les Steelers vont faire les séries. Non, c'est vraiment pas sûr. Tes matchs de la fin de semaine? Ben moi le match c'était hier soir match. mais je pense que les Patriots contre les Steelers c'est un gros match en fin de semaine puis c'est vraiment hier on a vu peut-être les deux meilleures équipes de l'Américaine, les deux autres on pense c'est les Patriots puis les Steelers. Donc c'est un gros match pour Pittsburgh. Pittsburgh en plus leur porteur de ballon James Conner ne jouera pas. Encore une fois. Donc ben c'est pas officiel, excuse-moi, Danny, je ne veux pas trop m'avancer, mais il n'a pas pratiqué de la semaine. Fait que ça risque vers vendredi, vers la fin de la journée, là, on va voir vraiment le statut officiel, mais il n'a pas pratiqué de la semaine. Ça ne semble pas être positif. Et aussi, ça fait trois défaites de suite pour les Steelers. Mm. Et on va voir comment que la défaite contre les Raiders vont avoir. Mais il faut qu'ils mettent la pression sur Brady s'ils veulent l'emporter. L'affaire avec les Patriots, là je ne sais pas. Ils voulaient tellement gagner à Miami la semaine passée, les Patriots, est-ce qu'ils ont tout donné la semaine passée puis ils seront pas en forme pour cette semaine? On le sait pas, mais avec qu'est-ce qui s'est passé là, puis Bill Belichick qui a pris le blanc dans ce match-là. Comment tu trouvais ça? C'est facile à dire après, là, mais Gronk sur le jeu, comment tu trouvais ça? Il a trébuché. Il y a deux choses, Danny. C'est que premièrement, ils ont mis... Moi, là, qu'est-ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils ont mis Gronk à la tertiaire. Peut-être à s'attendre à Nair Mary. Ouais, mais Danny, il était sa ligne de 30, Miami, là. Tannehill, il est pas capable de se rendre là. Ouais. C'est sûr que s'il avait pas trébuché, il l'aurait pogné, le gars. Mais il a trébuché, mais premièrement, j'aurais jamais mis Gronk à tertiaire, là, parce que il a pas le bras, Tannehill, il a pas le bras de Mahomes ou de même Rodgers, là. Mm. Fait que, Fait que ça va être ces deux équipes qui ont vraiment eu des défaites crève-cœur la semaine passée. Ça va être un match serré. C'est à Pittsburgh, mais je dois donner il va y avoir beaucoup de points, mais un petit avantage chez les Patriots là-dessus. Puis, aïe aïe, Pittsburgh, il y en a qui sont pas des grands fans de Mike Tomlin. Là. Est-ce que ça risque. S'ils font pas une série, Tomlin risque d'être. Puis l'an passé, il avait pas pris une décision bizarre aussi. Je me rappelle plus, mais c'était bizarre comme décision là, en série. C'est quasiment lui qui avait fait perdre les. Je me rappelle plus de la décision, mais je me rappelle que ça avait été très, très bizarre en série l'an dernier. Ouais, contre les Bengals, c'était ça? Je m'en souviens plus. Ouais. Mais il a pris, tu sais, même la semaine passée, ils ont mis de côté Big Ben parce qu'il était comme un peu blessé, puis ils l'ont remis. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça va être un gros match en fin de semaine, ces deux-là. C'est un des seuls matchs que je pense que intéressant, puis avis aux spectateurs, il y a deux matchs demain samedi, mais je pensais voir le combat de David Lemieux, mais il n'y aura pas. Oui, moi je vais te dire, à une heure, il y a un autre match, moi je n'écouterai pas ce match-là, mais c'est un match intéressant, parce que moi j'ai les Pats qui est mon équipe, et après ça, j'aime bien les Raiders d'Oakland. C'est une toute mauvaise année, mais je vais écouter le match Raiders contre Cincinnati. Par contre, je te dirais que le deuxième match que je conseillerais aux gens, c'est Dallas contre Indianapolis. Ce sera pas mauvais ce match-là non plus. Les Cowboys qui sont actuellement qui vont voguer allègrement vers le titre de la section de leur section dans la conférence nationale. Et du côté des Colts, eux qui jouent bien, avec Andrew Luck qui surprend, sûrement qu'il va être le retour de l'année. Donc ça va être excellent comme match à 13h. Ah oui, ça va être t'as tout à fait raison. Puis au niveau des Cowboys, comme tu as dit, s'ils l'emportent contre Indianapolis, s'ils gagnent la division. Puis les Colts, c'est sûr qui vont se battre. Puis c'est j'ai hâte de voir, t'as raison, parce que j'ai hâte de voir Dallas aussi. Parce qu'ils ont connu vraiment des gros matchs dernièrement, des grosses victoires. Faut qu'ils continuent sur le momentum là-dessus. Et ça va être intéressant. J'avais aussi les Saints contre les Panthers, parce que les Panthers, ça diminue pas mal. Oui, 5 défaites de suite. Puis en tout cas, c'est des matchs un peu. Il n'y en a pas grand comme tel, mais on risque de voir des scénarios au niveau des séries. Il y a quelques équipes, justement. Les Bears, s'ils l'emportent, vont remporter leur division. Les Cowboys, on en a parlé. Les Seahawks, s'ils gagnent, ils vont faire les séries. Puis les Patriots, s'ils l'emportent avec une défaite des Dolphins, ben ils remportent la division aussi. Donc, très intéressant. Comme j'ai dit, demain, il y a deux matchs à partir de 16h30 puis 20h20, mais c'est deux matchs, si ça vous tente. Là. Si ça vous tente, effectivement. Fait qu'on se reparle, Tony, la semaine prochaine? Oui, on s'en parle la semaine prochaine. Puis, dernière nouvelle, il semblerait que Carson Wentz, il y aurait peut-être 3 mois de convalescence. Il risque d'être absent pour 3 mois avec une fracture de stress au dos. Donc, est-ce que Nick Foles va faire un miracle comme l'année passée? Non, je pense pas. Là, c'est pas du tout le même contexte. Hey, les Chiefs, j'en viens sur les Chiefs. Karen Hunt, en terminant, Karen Hunt, la leçon de l'histoire, est-ce que ça va faire en sorte que les Chiefs ne passeront pas? Moi, je l'ai dit, j'ai pas confiance dans cette équipe-là. Fait que, pas rien qu'il y a beaucoup de blessés, c'est vrai. Mais moi, l'histoire de Karen Hunt, est-ce que ça va venir un petit peu briser la superbe saison? Ça va nuire parce que là, fallait s'en attendre. La grosse question à Kansas City, c'est le coaching là, avec Andy Reid, avec ses choix de jeu. Puis hier, on a vu Patrick Mahomes, là, c'est un peu à la Favre. Là. Il est pas mal improvisé. Il a un peu plus de bras que Favre. Mais des fois, il lance un peu partout avec les yeux fermés. Puis la défense a flanché hier soir. Là, tu sais, 15 points dans les 4 minutes. On peut pas mettre toute la pression sur Patrick Mahomes, même s'il a lancé pour 45 passes de toucher, mais oui, l'effet, l'absence de Karen Hunt, on l'a dit, là, ça prend une balance à l'attaque, course et sol, et ça peut, mais moi c'est Andy Reid qui est la façon qu'il va gérer ça. Ils vont faire les séries, mais je suis pas sûr que ils vont se rendre loin. Spencer Ware, c'est pas mauvais, mais c'est pas Kerry Grant, effectivement. Non, exactement. On, non, sort, tout à on fait. Se reparle la semaine prochaine, Tony. Merci beaucoup, Danny. Le Blitz NFL, Tony Gouzard.